nuit comme un rêve. Où est ton ami? Vivre le jour comme un rêve. Où est mon ami? Vivre la mort comme un rêve. Où est mon ami? Je voudrais pouvoir sourire dans mes rêves. Je voudrais pouvoir danser dans mes rêves. Tu voudrais pouvoir chanter dans mes rêves. Tu voudrais pouvoir rester dans mes rêves. Pouvoir sourire, pouvoir chanter, pouvoir rester, pas expliquer, seulement rester. Vivre les rêves, mon ami, où est ta vie? Vivre les rêves, mon ami, où est ta nuit? Vivre les rêves, mon ami, où est ton jour? Vivre les rêves, mon ami, où est ta mort? Je voudrais pouvoir sourire dans mes rêves. Je voudrais pouvoir danser dans mes rêves. Tu voudrais pouvoir chanter dans mes rêves. Tu voudrais pouvoir rester dans mes rêves. Pouvoir sourire, pouvoir chanter, pouvoir rester, pas expliquer, seulement rester. Seulement rester. Seulement rester. Rester. Je voudrais pouvoir